bord de ma vie stressée, coule une sève pleine de douces pensées. Pas facile de s'en approcher, impossible d'y goûter. Ok, bon, on passe à autre chose.